Thank you. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence vers 21h, comme tous les vendredis, de 21h donc à 23h. La radio Canal Sud est une radio libre, d'origine simplement Barbe Rouge, je crois, comme ça dans l'histoire du Canal Sud. Canal Sud.net existait depuis quelques années aussi pour pouvoir nous écouter, l'antenne de Canal Sud, je veux dire, en direct de Toulouse. Au 40 rue Alfred Duméril, 31400 France. Ai-je omis de dire que notre fréquence donc est le 92.2 MHz dans la région toulousaine, pour nous écouter, vous, sur canalsud.net. Mm-hmm. Oh, Spéciale dédicace à tous les amoureux de France. Nuisance, ben ouais, nuisance, ouais, carrément. Dédicace ce poème. Thank you. Soir spécial dédicace parce qu'à Canal Sud on en fait pas et que c'est comme ça, nuisance n'en a rien à foutre de rien, c'est dédicace, derrière vous qui m'ont regardé. Suivez-vous, on va tenter vous. Vous êtes des pécheurs. La police. Pécheurs. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde. Pour l'éternité. Pour les cons. Cassez-vous, pauvre con. L'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Bienvenue sur Canal Sud. À présent, vous écoutez un son qui émane du Seigneur. Alors saignez tous en paix, prout. Ouais.